Salut, salut, salut, comme tous les dimanches de 21h à minuit sur Radioactive 100 FM à Toulon, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées. Et on attaque immédiatement avec une séquence un peu plus punk rock, c'est Face to Face, un des très bons groupes de la vague West Coast américaine. Et ce morceau, Chesterfield King. Et comme d'habitude, vous retrouvez tous les morceaux que l'on passe dans l'émission sur le site de la radio. Comme d'hab, allez, c'est parti avec Face to Face. Like me, scared to say a thing. Left your house and C'est pas mal Paris finalement. À part que les gens ils parlent un peu bizarrement ici, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est un peu speed, c'est un peu hard. Ça te plaît quand même. Ça me plaît. Je passe des bons moments, je rigole. Tu rigoles? On se régale avec les copains, j'ai trouvé une nouvelle copine. On s'est fait plein de collègues. C'est un nouvel chanteur, c'est mon nouveau groupe de reprise de Mylène Farmer. Ok. Merci beaucoup. Si tu veux être intelligent, lis un livre. Si tu veux passer un bon moment, viens voir les Diamond Rugs. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Le deal est très clairement posé dès le début, pas de prise de tête, que du fun et du bon temps. Il faut dire que les Diamond Rugs prennent le problème par l'autre sens. À l'origine, c'est ce que l'on appelle un super groupe. Et c'est quoi un super groupe ? Contrairement à ce qui est écrit sur l'étiquette, ce n'est pas forcément un groupe génial, mais plutôt un rassemblement de types qui ont fait leurs preuves, voire plus, dans d'autres groupes, et qui se rassemblent pour faire un nouveau groupe, CQFD. Ici, on a donc des membres de Black Lips, Dead Confederate, Six Finger Satellite, pardon, Dear Tick et Los Lobos. Dans l'inconscient collectif, le supergroupe est généralement merdique et pompier. Dans l'histoire, on a eu Cream avec Clapton et consorts, et d'autres se sont lancés dans la même voie pour des résultats souvent, au mieux, chiants. À croire que quand on n'a plus d'idées, on va trouver des poteaux célèbres qui ont encore moins d'idées, en espérant que, comme par miracle, cette rencontre entre génies va pondre de nouvelles idées. Bref, ça marche pas. Sauf que dans le cas présent, comme pour les Me First and the Gimme Gimmes, le principe est de se retrouver pour s'amuser. Et ce seul mot change tout. On sent bien qu'ils ont envie de prendre du bon temps, de faire tourner les morceaux et surtout de se retrouver sur scène. On sent aussi qu'ils se sont bien amusés dans leur studio de Nashville, avec des clins d'œil à toute l'histoire de la musique US. Le résultat est donc du bon rock'n'roll avec quelques originalités comme le saxophone sur le premier morceau, Voodoo Doll, qui vient répondre au petit Farfisa tout mignon. Paris tenu donc, sans prétention, et durant les 11 pistes du disque, ce qui est plutôt rare et doit être souligné. Au final, pas le disque de l'année, mais plutôt plus consensuel que le précédent, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'écouter. You're sick and tired of my barroom ways. I thought I told you not to come home so late. Well, say what you will, but you know it's true. Love's no fun if you live by the rules. And say what you will, but I blame me on you. Say where you been, I say out with my friends. You say if they're so great, why don't you go sleep with them? Say what you will, but I listen to you. I went and slept with my friend Mary Lou. Say what you will, but I blame me on you. Life's Thank you. Give me the vision I was since they burned me away. It's like you say, burn my heart away. Yeah, it's like you, it's like you. Thank you.

boy, Clubhouse. Got me and you kissing. Certains revendicateurs l'étiquette punk 77, ce n'est certainement pas le cas des Dino Boys. Tout chez eux transpire l'esprit de cette époque à tel point que l'on se demande parfois si ce n'est pas sorti d'une compilation de groupes perdus. Le son tout d'abord est ce qui marque le plus. Une production cheap juste comme il faut, des guitares peu saturées et une voix que l'on dirait enregistrée derrière une porte fermée. Les compositions fleurent bon elles aussi le style, avec des morceaux courts et immédiatement identifiables, qui feraient rire les amateurs de rock progressif s'ils avaient de l'humour. Et pourtant, ils ne sont ni anglais ni suédois les Dino Boys, mais sortent tout droit de leur Géorgie, Atlanta pour être plus précis, et sont signés sur un label de Brooklyn, New York, la capitale mondiale du hipster à la mode. Pas sûr qu'ils soient les plus tendances de la grosse pomme, mais leur côté rafraîchissant et apparemment sans prétention en font une des bonnes surprises de l'année 2014. Ce qui en soi n'est plus vraiment une nouveauté, le disque étant sorti en mars. Et j'allais oublier, ils ont des bonnes têtes de punk juvéniles dignes des Undertones, tout en affichant fièrement leur télécaster. Nostalgie. Who is out there? satellite, femme plastique, moule de cuir noir, poupée fantasme, paradis vinilique, plastique paradisiaque, Lady Coca-Cola. Lady Coca-Cola. Trafalgar Square, fullback, Ryan. He's on horseback now, riding up through Trafalgar Square, and people throwing sticks and stones and bottles at them. They're galloping through in a line. The class war, those who took part in the violence were working class heroes. The enemy is the ruling class, anyone with enough money or property not to need to work. The class war paper encourages attacks on rich people who move into traditional working class areas. The developers say that these developments are bringing money into the area, so people think, well, we'll have some of this money, we'll go and take it off the bastards who are moving in. And they see someone, you know, guzzling Indonesian seaweed in the local brasserie, and they're scraping together money for a pint of milk. And they quite rightly say, let's have a bit of redistribution of wealth in the here and now, not in some visionary socialist society in the future. sex. And all you nitty gritty dicks, he'll make your nipples ripple. He'll make you wanna dip your dimple. He'll make you wanna suffer your hickory stick. Oh, that's right, because my man has a grip on it. And I do mean on it. Oh, it springs to mind. A very sinister minister kind of guy. A man named Little Richard who was born to make them bitches stir. Oh, that's right. Backwards now. Take it to your backwards now. Take it to your backwards now. Take it to your backwards now. Vous êtes toujours sur Radioactive, le 100 FM, dans l'émission Lost in Space. On a écouté pas mal de musique jusqu'à présent. C'est maintenant l'heure du live et on retrouve un de mes favoris, No Means No, groupe de Vancouver. Vancouver, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'extrême ouest du Canada, encore bien plus haut que la Californie, que Seattle et tout le tintouin. Et donc, No Means No, un très très très bon groupe, que l'on retrouve ici en concert le 30 juin 1988 à Rome, en Italie, beaucoup moins loin que là d'où ils viennent. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti! This one's a song, Craig. I don't know if you can get rid of that ring. Don't put your hands on it there, Andy. Well, I have to have my hands on it to do it, John. Thank you for that insightful comment. This one's called Brother Rat. One, two, three. Well, let's go out and see what we see. Look, no hands. Well, let's go out and see what we see. Just you and me. Just you and me. Hey! We'll see what we see. Just you and me. Hey! And there will be no other brother. We'll knock back a few. We'll knock back a few. And talk about life. Talk about life. Oh, we'll knock back a few. We'll knock back a few. And talk about life. And talk about life. And what is right. And what is right. And what is right. And what is right. Yeah, we'll talk about life. We'll talk about life. Oh, and what is right. And what is right. And there will be no other brother. Buddy. Pal. Amigo. Friend. Buddy. Pal. Friend. Friend. Until the end. A shake of the hand. A shake of the hand. A pat on the back. A pat on the back. A shake of the hand. We're one and the same, you and me. We're brothers. We're brothers in arms. Yeah. We're friends until the end. We're brothers. We're brothers in arms until the end. Your end. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. A brother rat. Buddy, my pal. Here's my brother. I am one. He is the other. When the sun shines, he is my shadow. But when the moon is high, it's at his feet I lie. But I'll never listen to what Slade says. I'll never listen to what Slade says. Slade's always talking, and it's rarely nice. He's always whispering his poisonous advice. He is secretive, ruthless and cold. He mentions just enough to leave the rest untold. He said you'll never risk an open attack. Faces and then stab them in the back. But Slade, I said, what about the weak, the helpless and the small? He just sneered and said, fuck 'em all. Fuck 'em all. He said, I am a murderer, although I killed no one. You thought these puzzles made, I said. What have you really done? I shot the twining cord. I shot the turtle. I murdered love! I guess I hate it. Now that's not really true. He's not completely bad. Sometimes he's like a joker too. He just like grown accustomed to his funny ways. It's not his fault that he was made that way. Say please don't hurt him. Touch him for a kick. Turn his socks around him and shut up, you bitch. Shut up, you bitch. I'll kill you. Shut up. Tiger's hitting him on his face and there's blood all over the place. Please, Dad, please. It was my mistake. I'm the one that's bad. I'm the one that's bad. Don't hit him, Dad. No, don't hit him, Dad. Dad, no. Dad, leave him alone. Dad, let him go. Dad, Dad. No. Locked the door. He said, I hate you, but I love you more. I heard him cry. His lights went out. I heard him scream. I heard him scream. Dad, no! Dad, people alone. Dad, let me go. Please. Dad, no! Seriously considering leaving home. Okay. Grazie. Thanks a lot. We got one more for you and that's it. Thanks for coming. You've been real nice. This one's called Dead Bob. See you later. One, two, one, two, three, four. Loud as a mouse. Trouble's loud. Yeah, it's glad. That is out. Rose of red, lots of blue. I hide myself, so fuck you. Button up your coat, when it dries gray, put a rope around your neck. Keep your weight, the bubbles of the sky. Bubbles of the earth, and I'm a stupid, crazy, ignorant fucking little goof. Tonight, that's all just flies. Very on the lamb. This is a veal. Clear for your damn throat. And she threw up. I will leave the nose. I'm grabbing that rope. I'm terribly sorry for the mess. We'll be right back. Good night. Thanks very much. See you later. Grazie.